représente Belleville, section Kaira. Bon son pour les Kaira. Représente Paname, section Kaira. Bon son pour les Kaira. Représente Place des Fêtes, section Kaira. Bon son pour les Kaira. Représente Quartier Est, section Kaira. Bon son pour les Kaira. La section B, matrice, je suis 115, j'irons en débarque en force. Là, je reste chier, puis je suis 115, classé I dans le juste, pour t'as compris. Je représente Belleville, section Kaira. Bienvenue dans le Ticar, les Kaira, plus Kaira que des pigeons en Star Smith. Ici, ça plaisante pas, gars. T'as vu, vous pas pousser le jeu de con sur ces gars. Pas bon que des bruits, des trucs, mais les gauches de 10 ans. Apprends ton trottoir, recherche d'un sac arraché. Un vent pour le couteau et planté. D'aventure pas, ici, les armées. Une armada d'artillerie, c'est vis à la tombée de la nuit. Fouille lorsque de toi s'approche une onde. Des caves sous fusil à bombe, des macabées. C'est pire que les catacombes, les égouts. Paris on était, dans mon quartier la brutalité est match. Ça sent l'odeur de la mort à des kilomètres. Chez chez Far West, un West End Darkhead. Les acteurs se nomment pas John Wayne mais Mamadou et nous. Alors Mohamed Issou représente Belleville, section Kaira. Bon son pour les Kaira. Représente Paname, section Kaira. Bon son pour les Kaira. Représente Place des Fêtes, section Kaira. Bon son pour les Kaira. Représente Est East, section Kaira. Pour les Kaira. Des aventuriers de l'arche africain perdu, tous vers l'Orient, quelqu'un brûlé, la rue est pleine d'envolés, remplacée par les marécagés. Les crocodiles sont pas dans l'eau mais sont les polos. C'est pas comme à l'époque de Marco Polo. Ralph, Ralph le signe ne marche pas qu'en Lorraine. Ici y'a plus de crocos que le râle dans les égouts. Les râles sont pas tentés par l'aventure dans le Far West bellevillois. Où ne règne que des mauvais garçons, des hors la loi. Là où la réalité dépasse la fiction, l'imagination de John Wood. Les gueules se prennent pour les publics, essaient de dévenir plus vite que leur ombre et d'autres. Armés jusqu'au donjou, les justiciers de l'ombre et ombré. Reste tranquille, sinon tu vas te faire gommer par ces flics de sauvages enragés. Que les fonces, les plus foncés, les internés, les enfermés, certains dans psychiatrie. Représente Belleville, section Kaira. Du bon son pour les Kaira. Représente Paname, section Kaira. Du bon son pour les Kaira. Représente Quartier Est, section Kaira. Du bon son pour les Kaira. Représente Place des Fêtes, section Kaira. Du bon son pour les Kaira. Représente Nord-Sud, section Kaira. Du bon son pour les Kaira. Représente East-West, section Kaira. Du bon son pour les Kaira. Du bon son pour les Kaira. Du bon son pour les Kaira.